pas dans le rétro. Chez moi les jeunes font des assauts. Un gros popo dans le patio. Le lendemain en talasso. Équipe mentale romanzo. Mais ça met pas dans le naso. J'mets plus un pied dans la zone. Ils sont tous devenus maso. Tu m'as mis des couteaux dans le dos. T'es devenu un poudre mon bro. Tu m'as mis des couteaux dans le dos. T'es devenu un. On se laissera pas. Je veux remplir le verre comme Johnny Hallyday. Je crois que tout ce qui m'arrive là c'est mérité. Ils disent qu'ils veulent, je fais de la qualité, de la quantité. Tu m'as cassé le cerveau, c'est pas des lol. Je te vois plus sous vos vols, c'est pas des lol. Ah, c'est pas des lol. Et les shit et les mandats, c'est pas des lol. Et la vodka, il coûte un bras, c'est pas des lol. C'est pas des lol, là, là, là, c'est pas des lol. C'est pas des lol, là, là, là, c'est pas des lol. Bla, bla, bla. Sortir, moi, je suis tout seul. Je fais où le vent mène, pas de boussole. Ça vole, ça fait du recel. Ça gratte, ça fait des boussoles. Ce qui m'aime plus fond des poussettes. Je m'en fous de, je fais des poussettes. Tu la vis frotter en boîte. Avec toi, elle fait la pucelle. Putain, je l'aime la musique. À en devenir la musique. Je vais faire TP, je vais repartir. Comme Ribéry en Munich. Mon flow, ma voix unique. Je fais bouger, t'as l'air unique. Quand t'es méchant, on te tupe. Quand t'es gentil, on te nique. Quand t'es gentil, on te nique. Quand t'es gentil, on te nique. Quand t'es gentil, on te nique. Quand t'es gentil, on te nique. Tu ne comptes plus les platines. Tu connais gros, y'a rien sans rien. Sur vêtements d'or et platine. J'pilote scooter italien. Je prends des contacts à dos. Les gens ils font tout solo. Tu dis que j't'en parle à mano. T'as comme un follow. J'fume le poison avec le flash dans la boisson. Un bras la caution de cette putain de location. J'suis un voyou, moi. J'fais que du son. Elle se ramène la moule à corps. Si j'lui prends un bout du bon. Tu me cherches, j'te. Trafic, flic, pis ce que je fais de ma vie. Critique, c'est ce qu'on m'a dit. Plus suite, beat, pas de sympathie. Je prends la passante, je lui dis tu vas où. Quand y'a rien patiente, reste comme t'es quand t'as tout. Et quand t'as tout, fais confiance à des gars.